car nous eûmes suffisamment contemplé les antiques, dressant au milieu des oliviers, sur la ligne bleue des Alpilles, leurs bas-reliefs et leurs statues, que les soleils du XVIIIe siècle ont revêtus d'une croûte d'or. Après quelques réflexions peut-être banales, touchant l'ironie du destin qui, dans cet endroit où fut une ville, n'a laissé debout, saisissant antithèse de la grandeur et d'union des gloires humaines, qu'un arc de triomphe et un tombeau. Le peintre proposa de faire un petit crochet sur le chemin d'Arles et de nous arrêter un moment à la ferme des Muscadelles. Et pourquoi s'arrêter aux Muscadelles? Parce que j'espère retrouver là, pour le tableau que je prépare, une de ces vieilles sonnailles, en airain martelé, de forme si originale, avec leurs battants faits de noce et leurs larges colliers de bois couverts d'arabesques gravés au couteau comme un nom lorsqu'ils marchent à la tête des troupeaux transhumants, les boucs d'avant-garde. Tu achèteras ta sonnaille à la ville? Je suis le premier bourrelier venu. Je t'entends. Une sonnaille toute neuve, luisante et sans patine. Voilà qui serait aimable à peindre. Au surplus, c'est surtout au collier que je tiens. Au collier, en bois tarabiscoté, que les bergers travaillent eux-mêmes. Eh bien, tu auras cherché ta sonnaille un autre jour. Si l'on t'écoute, on n'arrivera jamais pour l'heure de la promenade. Et j'aime admirer, tu le sais, sous les grands platanes d'hélices, illuminés par le soleil couchant qui tombe en Camargue, le galant va-et-vient des belles arlésiennes en costume.